La directrice est un chercheur de l'Institut de l'Amérique et de l'Afrique du Centre d'études des problèmes internationaux ont publié chacun un écrit condamnant les États-Unis qui prennent l'homme pour un simple moyen de recherche des intérêts et objet de l'exploitation et de l'oppression ainsi que Bush et Obama, les pires criminels de guerre du XXIe siècle qui ont commis sans hésitation les guerres et massacres cruels en vue de leur stratégie de domination.